Cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation, votre humble serviteur que je suis vous propose, entre autres, la présentation de deux nouveautés fort appréciables qui paraissaient respectivement hier et aujourd'hui, soit la formation britannique Violent Fire et la canadienne Psychotic Gardening. Mais avant de s'y attaquer, débutons le tout avec un retour principalement dans le milieu des années 80, avec des pièces solides et qui ont toujours l'impact de jadis. Mais dans le cas où ces pièces ne vous trucideraient pas totalement, je terminerai le boulot avec quelques paroles déplaisantes et, ma foi, fort bien placées. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque les soins qui vous sont donnés ne sont pas initialement dangereux. Seul celui qui les administre les rend mortels. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause Dundragon said so. It's a Super Tuesday. Go. Down!

Passez trois heures en compagnie de Mathieu Plante et de ses chroniqueurs variés. Vous y retrouverez toutes vos chroniques préférées, comme C'est un fait, Kinky Sexy Time, Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a, Les instructions d'assemblage et bien d'autres. Assemblage requis tous les jeudis de l'été de 15h à 18h après les palmarès C'est fou. Pour connaître les heures de rediffusion, visitez c'estfou.ca. Opinion libre. Nouveau concept à Trois-Rivières. Vélo, café, sandwich. Vente, location et réparation de vélos en tout genre. Dépositaire des marques Gazelle et leurs vélos hollandais, Linus et ses vélos au look vintage. Sans oublier les vélos pliants de chez Turn, ainsi que les vélos fixes Pure Fix Cycle. Opinion libre, c'est aussi un café et une sandwicherie dans une ambiance chaleureuse. Opinion libre, 1000 boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières. Chaque mercredi midi de l'été, Saint-Onis C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de con depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 13 mai de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Je suis avec vous, en esprit pour le moins, jusqu'à 21h dans une version fort métallisée de réanimation, bien entendu, comme à l'habituel. On vient d'entendre des pièces qui m'ont vraiment fait plaisir à entendre, des pièces qui m'ont remémoré d'excellents souvenirs et parfois de meilleurs. La formation américaine Dark Angel, juste avant cette pause publicitaire, et la déstabilisante de Burning of Sodom, une vraie tempête, une tornade, un délire total. C'est la deuxième pièce qui apparaît en ouverture, deuxième pièce de l'album Darkness Descends qui apparaît en 1986. Formation qui, selon toute information, se serait reformée en août dernier, 2013, et dont les membres sont, semble-t-il, sensiblement les à peu près tous, pas mal la vieille garde de l'époque, c'est-à-dire Jim Durkin, Eric Mayer, Gene Oglin, Mike Gonzalez et Ron Reinhardt, qui bien sûr qui est un chanteur. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, je n'ai aucune idée. On dit reformé, le statut ne signifie pas nécessairement activité, parce que le dernier album studio complet de 1991. Peut-être font-ils les festivals, ça c'est fort possible, comme bon nombre le font. Entre autres, il y a Coroner qui se sont reformés il y a, je crois, 2 ans, mais qui ne font jusqu'à présent que des festivals ou des apparitions de scène, pas de studio. Qui sait, peut-être à venir. Juste auparavant, la défunte, je crois que c'est effectivement défunt pour de bon. Formation québécoise montréalaise Aggression et la pièce of Four Second Survival. Ça aussi, c'est une super bonne pièce. Pièce d'ouverture d'un des deux seuls uniques albums de Full Treatment qui est paru originellement en 1987, mais dont le reissue 2005 sur Great White North. En fait, c'est le deuxième album, mais qui est paru en premier parce que Four Second Survival, Forgotten Skeleton, qui devait être le premier, est sorti bien après. Slayer et Ghost of War, que l'on retrouve sur South of Heaven, paru en 88 sur Def Jam. Saddam et la pièce Cannon Fodder, tirée de l'album M16 de 2001, Steam Hammer. Razor, une autre formation canadienne qui elle aussi existe toujours, sans pour autant avoir de nouveaux enregistrements, mais qui doit faire au même titre les apparitions de scène que les Dark Angel, les Coroner, et ainsi de suite. La pièce Take This Torch, pièce d'ouverture de Executioner's Song, qui est paru en 1985 sur Attic. Ça aussi, c'est une pièce que j'aime beaucoup entendre à outrance même. Et on a ouvert avec Crumbsucker Super Tuesday, tiré de Life of Dream, qui est paru en 1986 sur Relativity. C'est le seul bon album complet, total, vraiment bon de Crumbsucker, parce qu'ils en ont pas énormément, en fait deux. Et le deuxième, Beast on My Back, est pas très très bon. D'ailleurs, certains membres de Crumbsucker ont formé par la suite Propane, qui existe toujours d'ailleurs. Ce soir, nous allons avoir une émission, comme à l'habitude, très chargée, bien sûr, parce que j'ai deux présentations à faire. Comme j'ai dit en ouverture d'émission, formation qu'on va entendre dans quelques instants, formation britannique, soit Ball and Fire, qui donne dans un Death coloré de Doom, formation qui, ma foi, je dois dire encore une fois, humblement, que j'ai connu cette formation grâce à Sinistros. Merci. Formation qui en est à son deuxième album complet studio, le premier étant en 2011 sur Fragile King, que vous avez entendu à quelques reprises ici. Splinters est le deuxième. Il est excellent. On aura une chronique cinéma quand même relativement bien garnie, et une chronique musicale aussi, puisque la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, ce que je doute évidemment, je n'ai pas pu faire les chroniques comme je le faisais habituellement, parce que, comme pour reprendre mes propres mots, mon outil de mensonge préféré, soit Internet, n'était point disponible la semaine dernière. Donc, et de mémoire, comme je n'en ai pas moi non plus, eh bien, je n'ai pu faire qu'un bref abrégé ridicule de ce que je voulais vous entretenir, mais je vais me reprendre ce soir. Donc, allons-y, sans plus attendre, avec cette présentation, trois pièces tirées de l'album Splinters qui paraissait hier sur Century Media de la formation Made in UK Violent Fire. On va entendre dans cet ordre les 4e, 6e et 9e pièces de cet album, soit Hold Your Bliss, Haggast et Dragged to Gehenna. En fait, je pourrais vous dire honnêtement que je le trouve certainement aussi bon que le premier. J'ai pas eu le temps de l'écouter des masses et des masses, évidemment, mais jusqu'à présent, mes premières impressions, premières écoutes me font dire qu'il est certainement aussi bon que le premier, et les semaines à venir ou les journées à venir me confirmeront s'il était moins bon ou meilleur, mais ça, je saurais bien vous en reparler. Donc, allons écouter ces trois pièces tirées de Splinters, Violent Fire. Go! Violent Fire, trois pièces tirées du dernier album qui paraissait hier, le 12, soit Splinter, sur l'étiquette Century Media. Les pièces étant à l'instant Drag to Gehenna, auparavant Aghast, et en ouverture, soit la quatrième pièce de l'album, Odious Bliss. Je ne l'ai pas dit en présentation de l'album parce que je voulais que vous... En fait, ceux qui connaissent la formation, je voulais que vous fassiez le parallèle. Il sonne très Celtic Frost. Par moments, c'est à s'y méprendre. Je dirais même au côté du même, au niveau du vocal. Surtout la première pièce que j'ai passée, Idios Bliss, je pense que ça fait très Celtic Frost. Je peux pas vous dire, il s'agit-il d'un plagiat en tant que tel? Je crois pas. Je pense plutôt que c'est une influence majeure que Celtic Frost auprès de Violent Fire. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est bien de ramener un peu cette essence-là à la sonorité aujourd'hui, un peu comme Thomas Fisher le fait, bien entendu, avec Crypticon. Moi, ça me plaît beaucoup. Évidemment, je suis un fan de Celtic Frost, du moins pour les premiers albums. Et je trouve que ça sonne très bien de rentendre ces sonorités-là. Personnellement, je ne peux pas vous dire est-ce qu'il y aura chance éventuellement de voir Violent Fire ici au Québec. Je n'en ai aucune idée. C'est quand même une formation qui n'existe pas depuis 150 ans. On s'entend. C'est une formation qui existe depuis 2010. Une formation qui vient du West Yorkshire en Angleterre. Donc, est-ce qu'ils vont venir ici éventuellement? Peut-être, mais bon, c'est à voir. Bref, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, je lui ai donné quand même une bonne cote à cet album-là. Splinter, je lui ai donné... je lui ai donné 2. Non, je lui ai donné 8 sur 10. Et comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'au fil des écoutes, que cette cote se transforme légèrement. Voilà. Parlant de cote musicale, pourquoi ne pas faire cette chronique musicale immédiatement pendant que j'y pense et que j'en ai le temps? Simplement pour vous rappeler que le 23 mai, c'est chose qui s'en vient, c'est la sortie du nouvel album de Misery Index. Le 20 juin, nouvel album pour Septic Flesh. Et tant qu'à Gravedigger, un nouvel album aussi attendu pour le 11 juillet. Donc ça risque d'être intéressant. Trois bonnes formations qui donnent dans des styles relativement différents. Et tant mieux. Bon, ça y est, j'ai plus rien en arrière. C'est fini. C'est fini. Il se passe plus rien. Je peux plus parler, j'ai plus de trame de fond. C'est une blague. Misery Index aussi, qui sortiront le 23 mai également, un nouvel album qui porte le titre de The Killing Gods sur l'étiquette Season of Mist. J'ai hâte d'entendre ça. Généralement, les derniers albums de Misery Index m'avaient assez plu. Vader aussi, le 30 mai, ça c'est à surveiller. J'ai hâte d'entendre TB et Any sur l'étiquette Nuclear Blast. J'ai hâte d'entendre le nouveau Vader. Je garde cette chronique-là pour un petit peu plus tard. Allons-y tout de suite avec ce que j'ai moins aimé. Il s'agit d'une formation qui vient de Finlande, soit Profane Homin et l'album Reset. C'est sur Spine Farm Records. C'est un melodic groove metal. J'ai pas tellement aimé. J'ai donné un 3.5 sur 10. Pas mal trop mou à mon goût et mélodique selon moi. Ben, ça, c'est subjectif, bien entendu. J'aime pas le métal qui est trop mélodique. J'aime ça quand c'est plus dur. On peut même y détecter, à certains moments, une influence core qui ne colle pas vraiment avec mes goûts musicaux. Donc, la production est correcte, mais moi, j'ai pas vraiment aimé. Donc, ça, c'était Profane Homin. Autre album que j'ai trouvé correct, là, mais sans vouloir faire de grands détours, il s'agit de Channel Zero, formation trash qui vient des États-Unis. L'album s'intitule Kill All Kings. C'est sur l'étiquette Metal Blade quand même, c'est pas sur n'importe quelle étiquette. C'est une formation qui est belge en plus, dans un trash tendance mélodique, rappelant quelque peu par moment effectivement Testament. C'est correct, ça casse pas rien, mais c'est correct. J'ai donné un 6.5 sur 10, mais c'est pas le genre d'album qui va m'attiser au point de dire je vais réécouter ça régulièrement. Peut-être que j'en passerai éventuellement, mais pour l'instant, c'est pas nécessairement mon envie première. La semaine prochaine, je vais vous présenter un album d'une formation suédoise qui porte le nom de Doom VS, qui donne évidemment dans un style Doom Death Metal. En fait, faut s'entendre. Il y a beaucoup d'associations qui sont faites maintenant avec le Doom, et c'est pas nécessairement, garant d'explicité, quelque chose du genre. au niveau de, du descriptif, parce que le Doom, vous le savez, c'est une musique qui est profondément ténébreuse et funeste, très lourde, très caverneuse. Y associer le death metal, généralement, c'est plus au niveau du vocal. C'est le cas ici pour Doom VS avec l'album Heartless, qui est une parution sur Solitude Production. J'ai donné un 6.5 sur 10. C'est un band Doom, comme beaucoup de band Doom, issus de plus ou moins le même moule. C'est pas mauvais, il y a pas vraiment d'originalité. Ben, en fait, dans le Doom, c'est difficile d'en avoir, là. Ça a une saveur quelque peu diluée, je dirais, mais quand même, l'ambiance est bonne. J'ai trouvé que l'ambiance, au niveau de ce qui était un acte funèbre, était très, très bien fait. C'est justement pour cela que je vais en proposer quelques pièces la semaine prochaine. Je dis quelques pièces parce que, généralement, les pièces sont longues, comme dans tout bon band de Doom. Donc, on va explorer ça un petit peu plus la semaine prochaine. Je garde la dernière chronique pour la deuxième présentation de l'émission. Présentement, nous allons aller faire un petit tour du côté d'un ensemble à forte tendance death metal plus traditionnel, mais qui se débrouillent tous très bien. On va débuter le tout avec Cataclysm et la pièce The Chains of Power. C'est tiré d'un album de 2008 qui porte le titre de Prevail. And I said go! Hey, this is Jeff Bubb from Jungle Rot, and you're listening to CFOU 89.1 FM.

et la pièce They Will Burn, que l'on retrouve sur la dernière parution, probablement à vie de cette formation, suédoise, soit Opus Mortis Hate, qui est paru en 2011 sur Metal Blade. Je dis la dernière parce qu'ils se sont séparés. Acheron, juste auparavant, et la pièce Demonum Lux. Ben oui, c'est parce que je fais trois affaires en même temps. Qui est tiré de l'album Cult Des Access, qui est paru sur l'étiquette Listenable Records le 24 février dernier, soit 2014, bien entendu. C'est un des bons albums, je trouve, de Acheron. Ils se débrouillent bien. J'ai pas suivi l'entier de leur discographie, mais je les connais quand même depuis un certain nombre d'années. Et je dois dire que celui-là, il est quand même assez bien fait. On parle de, je dirais, une dizaine d'albums complets studio. Ils étaient beaucoup plus black à l'époque, en fait, black. La tendance black, si on veut, à l'époque. Ils sont devenus un amalgame entre les deux, à tendance beaucoup plus dead, comme vous avez pu le constater. Jungle Rot, auparavant, et la pièce Pronounced Dead, que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation américaine, soit Terror Regime, paru sur Victory Records. C'est un des bons albums. Ils sont excellents spectacles, d'ailleurs, aussi. Et on a ouvert avec quelque chose qu'il y avait bien longtemps que je n'avais pas fait tourner ici. Cataclysm et la pièce The Chains of Power, tirée de l'album de 2008, Prevails, qui est apparu sur l'étiquette Nuclear Blast. Allons faire un petit tour côté cinéma. C'est le 23 mai que sortira le nouveau X-Men, Days of Future. J'ai bien hâte de voir ça. Ça risque d'être bon parce qu'à date, tout ce qui porte l'étiquette X-Men a été pas du tout décevant. Ça a été vraiment bon. Y compris les segments plus axés sur Wolverine, bien entendu. Un film qui sortira au mois d'août prochain, qui s'appelle Jezebel. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être vraiment en tant que tel. J'ai lu quelques synopsis. Ça pourrait être intéressant. C'est un film qui est du même producteur que Paranormal Activity et Insidious. Ça risque d'être intéressant. Je ferai plus de recherches à ce niveau et pour vous entretenir un peu plus en détail. N'oubliez pas que le 30 mai, la sortie de Maleficent, c'est un revisited, si on peut dire ainsi, de La Belle au bois dormant qui met en vedette dans le rôle de la méchante fée sorcière Angelina Jolie. C'est un film qui reste un petit peu plus evil que ce qu'on connaît de l'histoire. Parce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, les contes pour enfants qu'on nous a adaptés, soit dans les livres étant jeunes ou au cinéma, ont été très adoucis pour ne pas terroriser les jeunes gamins que nous étions. Parce que dans les faits, souvent, ces contes sont assez macabres. Le 6 juin, Edge of Tomorrow, qui met en vedette Tom Cruise, un film de science-fiction. J'espère qu'il sera meilleur que les derniers films dans lesquels Tom Cruise a joué au niveau de la science-fiction parce que c'était assez ordinaire. Le 11 juillet, c'est dans le Planet of the Apes. C'est le deuxième segment de ce qui a été refait, si on veut, dans la conception de la planète des singes. Le premier était vraiment très bon. J'ai hâte de voir le deuxième. Ça risque d'être bien aussi. Le 22 août, c'est Sin City, la deuxième partie, A Damn to Kill 4. Ça, j'imagine que j'ai des grosses attentes pour ce film-là, parce que le premier, qui était bien entendu signé Zack Snyder, avait été vraiment excellent. Par contre, j'ai de petites appréhensions, parce que si je me fie au deuxième segment de 300, le 300, qui était aussi signé Zack Snyder, avec Rise of an Empire, j'ai été très déçu. Mais bon, on va laisser une chance au coureur. Le 16 mai, c'est bientôt, hein? C'est comme vendredi, c'est la sortie de Godzilla, qui est un film de Gareth Edwards. J'ai bien hâte de voir ça. Les Japonais ne sont pas très enthousiastes selon les critiques et chroniques que j'ai pu lire. Mais faut savoir que les Japonais, au niveau de leur roi des monstres, Gojira, ou Godzilla, si vous préférez, en Amérique du Nord, ils sont très puritains là-dessus. Ils sont très conservateurs. Ils ne veulent pas qu'on touche à l'icône qui est évidemment une emblématique du Japon au niveau du cinéma. Mais il faut savoir que ramener la créature des années 50, 60 et 70, principalement très populaire à l'époque dans son aspect, que moi je trouve un charme fort, fort appréciable, mais le ramener dans cet aspect-là aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu déplacé. Donc évidemment, il y a modification de la créature, mais quoi que les previews semblent lui donner une allure quand même beaucoup plus intéressante que celui qui avait été fait dans les années 90, qui mettait en vedette Matthew Broderick, que j'avais trouvé passablement emmerdant. Autre film en salle présentement, ben, c'est Transcendence qui met en vedette Johnny Depp. C'est un film de Wally Pfister. C'est un film de science-fiction. Je peux pas vous dire, j'ai aucune... En fait, j'ai pas d'envie d'aller le voir, le film, mais je vais attendre qu'il sorte en Blu-ray pour m'en faire une opinion, mais ça pourrait être intéressant aussi. Johnny Depp, généralement, joue dans des bons films. Faut lui donner ça. Je n'ai pas encore commencé à regarder la deuxième saison de Vikings. La première était tout à fait délectable. Je devrais pouvoir vous en parler au fil des prochaines semaines. Il y a tellement de choses qui sortent dans les séries télévisées qui sont intéressantes que je ne sais plus où donner la tête. En fait, présentement, j'en écoute deux en même temps. Donc, je ne pourrais pas me permettre d'en écouter trois parce que le cerveau, en fait, le poids qui me sert de cerveau ne pourrait pas traiter toutes ces informations-là. Quoi qu'il en soit, je vous ai parlé la semaine dernière, la quatrième saison de Walking Dead, c'est vraiment excellent. C'est probablement une des meilleures des quatre. Je vous la recommande fortement. Principalement en version originale parce que il y a vraiment un aspect du dialogue qui est un peu plus cru et qui donne des insights des fois qu'on n'a pas en français. Donc, Walking Dead saison 4, c'est excellent. J'ai écouté le week-end dernier le remake de RoboCop qui met en vedette entre autres Gary Oldman et Michael Keaton. Oui, Michael Keaton qui avait quand même un certain temps qu'on ne voyait plus vraiment activement au cinéma. Michael Keaton a pris vraiment un coup de vieux. C'est normal, il a pas rajeuni lui non plus. Mais quand on voit pas un acteur régulièrement à l'écran, puis subitement il revient au bout de quelques temps, on se dit ouf, c'est un peu plus flagrant. Mais bref, il joue bien son rôle. RoboCop, bien sûr, c'est le remake de adaptation remake de l'original de 1987, qui était pour l'époque divertissant, doit-on en convenir? Oui, je crois. Ici, eh bien, on a des moyens qui sont supérieurs, bien sûr, au niveau de la technologie, au niveau du cinéma, pour nous rendre un film plus, spectaculaire. C'est correct. C'est correct. C'est divertissant, mais sans plus. Je dirais peut-être plus parce que, justement, l'aspect visuel est plus recherché, est un peu plus spectaculaire. Côté scénario, c'est ordinaire. Il y a quand même beaucoup d'action, mais pour moi, ça ne méritait pas plus qu'un 6 sur 10. C'est le genre de film que je ne chercherais probablement pas à revoir, mais pour la durée du film, c'était divertissant. Une autre série que je me propose d'entamer bientôt, il s'agit de celle de Robert Rodriguez, ou Robert Rodriguez si vous préférez, qui est tiré bien entendu de son grand succès d'horreur, soit From Dusk Till Dawn, qui maintenant est porté en série télévisée. Il s'agit de la saison 1, c'est bien sûr une série qui traite de l'horreur et des vampires, bien entendu. Donc, c'est tiré de Hellkey Network. C'est diffusé sur Hellkey Network, qui est un canal que je ne connaissais pas. Mais si vous allez sur le site directement, vous pouvez aller vous retaper ce qui a déjà été diffusé, donc c'est quand même bien. Je m'attaquerai incessamment à cette série parce que Robert Rodriguez, généralement, on ne se trompe pas, comme je l'ai déjà dit. Autre série à laquelle je vais m'attaquer bientôt, qui est une série d'horreur thriller, c'est Salem. C'est une nouvelle version des mythiques sorcières de Salem dans le Massachusetts du 17e siècle. Donc, ça doit être fort intéressant de suivre ça. C'est Space Channel qui le présente. Space font des trucs intéressants à l'occasion. C'est de Brannon Braga, cette série. Donc, je me propose de l'entamer éventuellement. Tout comme, mais je disais qu'il y en a tellement, là, c'est pas des mentries. Da Vinci's Demon, la saison 1. C'est historique si on veut, c'est un peu aventure. Ça raconte un peu l'histoire de ce grand génie, bien sûr, qui est Leonardo da Vinci, qui est un inventeur, qui est quelqu'un qui était avant-gardiste avant son temps. En fait, plusieurs ont émis l'hypothèse qu'il était peut-être même pas né dans la bonne époque, là. Bref, ça risque d'être intéressant parce que c'est un personnage qui est tout à fait fascinant. Encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on utilise qui sont directement adaptées de ce que lui aura inventé. Donc, c'est Da Vinci's Demon, saison 1, ça risque d'être fort intéressant. C'est de David S. Goyer et lui, ce n'est pas non plus un nouveau venu dans le cinéma parce qu'on lui doit certains des derniers segments de Batman, entre autres. Un film que je n'ai pas aimé, et que j'étais fort curieux de voir et j'attendais d'avoir l'opportunité de le voir. Il s'agit de la dernière production de Dario Argento, qui est quand même une icône dans le cinéma d'horreur, du moins italien, qui a fait des trucs intéressants, certains films cultes d'ailleurs comme Suspiria. Dario Argento, c'est quelqu'un qui a une vision du cinéma d'horreur qui est très, très peu banale, mais aussi qui est très peu, je dirais, conventionnelle, ce qui en fait souvent des séries B. Je dirais majoritairement. Ici, c'est un film de vampire, bien entendu, parce que c'est une réédition à sa façon du roman de Bram Stoker, bien entendu, Dracula. Qui met en vedette, comme toujours, sa fameuse fille, Eggia Argento, dont son nom apparaît dans toutes les productions que Dario fait. Il y a un peu de chauvisme ici, j'imagine. Elle est pas mauvaise, Eggia, mais c'est pas une grande actrice, je trouve, selon moi. Moi, j'ai trouvé le film assez ennuyant. J'ai trouvé que ça faisait très, très mauvais rétro dans sa présentation, surtout au niveau musical. Musicalement, la trame sonore est à quelque part un peu, je dirais, boboche. On a voulu aller chercher peut-être des effets d'ambiance des années 60, 50 et 60, mais ça s'adapte très mal dans le contexte présent. Moi, il est sorti en 3D initialement, je l'ai vu en 2D, parce qu'en 3D, je vois pas l'intérêt, là. Surtout que c'est pas des images très flamboyantes là-dedans. Donc, il porte le titre original Argento's Dracula 3D. Moi, j'ai donné un 4 sur 10. J'ai trouvé ça un peu long, je dois dire. Je me suis un petit peu ennuyé à regarder ça. J'avais certaines attentes, mais en même temps, je me disais, ben, c'est jamais une valeur sûre d'Ario Argento. C'est toujours un peu un coup de dé. Puis cette fois-ci, ben, le dé, il a pas roulé pour moi. Un autre film qui j'ai trouvé correct sans plus, j'avais des attentes, il s'agit de Pompéi, qui est un film de Paul W.S. Anderson. Si vous savez pas c'est qui, ce gars-là, ben c'est à lui qu'on doit les Resident Evil, qui pour ma part sont des bons films de zombies. Donc Anderson s'est attaqué à un drame historique. Qui est Pompéi, bien sûr, qui en 79, l'an 79 après Jésus-Christ, bien entendu, c'est la dévastation de la ville de Pompéi par le Vésuve, qui est le mont Vulcan qui surplombait cette ville-là. C'était une destruction, c'est l'une des grandes catastrophes de l'humanité. Ce que je reproche au film, c'est que il y a 105 minutes de film, incluant, bien entendu, le générique de la fin qui doit prendre à lui-même, je dirais, 5 à 6 minutes. Donc, calculons peut-être 1h33 de film au total. Et le Vésuve entre en action à 1h03, lorsqu'on est rendu à 1h03 du film ou 1h04. Pour ma part, Pompéi, ça devenait, puis le Vésuve, ça devenait un article, un accessoire pour, je dirais, mousser un film qui majoritairement, malheureusement, est un film d'amour. C'est un film d'amour, ça c'est pas Love Story, là, on s'entend, là, mais peut-être que tu n'as pas de connotation avec Love Story, mais perdez pas jamais votre temps avec ça, c'est vraiment exécrable, là. C'est l'histoire d'un esclave, un Celte, qui a été, lors des conquêtes romaines, capturé, fait esclave et obligatoirement devenu gladiateur, qui tombe en amour avec une fille de bonne famille qui est en vue dans la hiérarchie romaine. Et c'est un amour impossible, bien entendu. Et lui, il excelle au combat. Il est indéfait, mais progressivement, on veut être capable de le monter dans des arènes qui sont beaucoup plus violentes et dangereuses et d'importance. À travers ça, il y a un sénateur joué par Kiefer Sutherland qui joue un parfait salaud, ça c'est effectivement le cas, qui lui manigance pour atteindre encore plus de pouvoir. Et cette personne-là, qui est le gladiateur en question, qui est joué par Kit Harington, qu'on voit aussi dans Game of Thrones, eh bien, il voit que ces deux jeunes gens-là sont profondément en amour l'un de l'autre et que lui a dévisé cette fille-là. Donc, il fait tout pour mettre les bâtons dans les roues et, je dirais, les épées dans le corps de ce jeune gladiateur-là, qui s'appelle Milo. J'avais l'impression par moment d'écouter une espèce de Twilight antiquité. Il y a des bonnes scènes de combat, évidemment, c'est axé beaucoup là-dessus, mais c'est rien comparativement à ce que la série Spartacus a pu me donner comme combat, là. C'est un petit peu plus soft, là, ben, voire même beaucoup, là, par moment. C'est pas aussi, comment je pourrais dire, spectaculaire et puis giclant, là, si je peux employer le terme. Moi, je m'attendais à avoir une grosse histoire de catastrophe, là, avec vraiment là, ce qui s'en est suivi, mais ça se passe en dedans de le dire. Donc, Pompéi, j'ai donné un 16.5, puis je pense pas que ça mérite plus que ça, puis je crois pas avoir le goût de le revoir. American Horror Story, saison 3, Coven. Ça, c'est excellent. C'est vraiment bon. C'est vraiment la troisième partie de cette très bonne série d'horreur qui est, que l'on doit à Brad Falchuk, qui met en vedette constamment Jessica Lange, qui, il y avait longtemps qu'on ne voyait plus vraiment activement, parce qu'il faut se rappeler d'elle, des années fin 70, qu'elle avait fait une adaptation de King Kong, qui est assez moyenne, je dois dire. Mais ici, elle est excellente. Elle exploite très bien son talent de personne machiavélique, parce que je ne sais pas si elle est dans la vraie vie, mais en tout cas, elle semble l'être à l'écran. Et on s'attaque ici à la descendance des sorcières de Salem, actuellement, de façon contemporaine, dans un collège pour jeunes sorcières, qui a évidemment un front comme étant un collège de jeunes filles bien élevées. Et ce sont tous des filles qui sont légèrement fucked up et qui ont des pouvoirs qu'elles développent, mais qu'elles ne contrôlent pas vraiment et qui foutent le trouble partout. Et Jessica Lange joue le rôle vraiment de la sorcière qui est la grande sorcière par excellence qui a mis surtout. Il y a beaucoup de complots de jalousie là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de choses assez horribles qui se passent parce que elle aussi, elle est un peu fuckée, là, si vous passez l'expression. Donc cette saison-ci, on s'attaque aux sorcières. On s'est attaqué, bien entendu, à ce qui était auparavant les phénomènes de hantise, ainsi de suite, la folie, la démence. Et on a une thématique à chacune des saisons et c'est admirablement bien fait. Je ne l'ai pas encore totalement vu. Je suis rendu à un certain niveau dans la série. Je lui donne la date jusqu'à un 8.5 sur 10. Il le mérite amplement. C'est une production FX Channel. Et le film que je vous propose de revoir ou à découvrir cette semaine, si je peux finir ma chronique, c'est L'exorcisme de commencement, qui est un film d'horreur, bien entendu, qui revient en arrière de l'original L'exorcisme de 1973, qui est un chef-d'œuvre, un culte classique, pour ainsi dire. Mais celui-ci se débrouille très, très bien. On nous met en contexte qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Pazuzu, parce que c'est le nom du démon, s'est attaqué à la petite... La petite, comment elle s'appelle, Linda Blair, dont j'oublie son nom de son nom de personnage, là, dans l'exorcisme. On comprend vraiment d'où vient cette entité-là. On comprend de quel est le phénomène de possession. Donc, l'exorcisme, le commencement, c'est un bon film auquel je donne un 8.5 sur 10. Il mérite vraiment d'être vu. Nous allons continuer cette fois-ci avec la deuxième présentation de la soirée, qui est une formation qui vient du Canada, qui porte le nom de Psychotic Gardening, qui en est à son quatrième album. C'est une formation que je ne connaissais pas jusqu'à ce que je reçoive l'album la semaine dernière. Non, c'est l'autre semaine, effectivement, par la distribution de John Asher. C'est un album qui porte le titre de Hymnosis. C'est une production indépendante. C'est un band qui donne, encore une fois, dans un mélange de death, cette fois-ci avec des tendances doom et non l'inverse. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était original, souvent par moment, une bonne production. Et je vous propose trois pièces qui seront dans cet ordre. La pièce d'ouverture, Origin of the Infection. Nous poursuivons avec Defile et Genome Degradation. Allons-y tout de suite avec Psychotic Gardening, les pièces tirées de Hymnosis. Go! Fire!

t'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly, eh bien écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pommes, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 48, l'émission s'achève, malheureusement pour vous, pas pour moi. Avant cette pause, on a entendu trois pièces tirées du très bon album Hypnosis, soit des Canadiens Winnipeg, Manitoba, Psychedelic Gardening, les pièces étant Genome Degradation, The File et Origin of the Infection. Formation qui existe depuis 1995, qui en est à son quatrième album complet studio. Et j'ai vérifié un peu au niveau des informations disponibles sur Psychedelic Gardening. Je crois qu'il ne reste d'origine de 95, soit seulement le guitariste vocaliste Chuck Labossière. Celui que vous avez entendu dire, this is Chuck from Psychedelic Gardening, you're listening to the Undead Incorporated Show, blablabla. C'était lui. D'ailleurs, c'est vraiment charmant de sa part d'avoir voulu faire un ID pour l'émission. Moi, j'ai donné un 8 sur 10 à cette production qui est Hypnosis, qui est une production indépendante. Je trouve que c'est vraiment du bon matériel, un excellent métal canadien qui peut se hisser à la hauteur de n'importe quelle formation de grand calibre. C'est un death, c'est du doom, c'est du black. Il y a des tendances groove dedans. C'est vraiment intéressant. C'est fait de façon très professionnelle. J'ai beaucoup aimé. Donc, vous allez entendre certainement Réanimation. Et je vais essayer de tenter de me procurer les albums précédents. C'est à surveiller, bien entendu. Gustave, qu'est-ce que tu dis? Tu as aimé Psychedelic Gardening? Et tu voudrais que je passe ça comme programmation toute l'après-midi à Rock Classique? Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il dit dommage. Mais c'est pas grave, on va se reprendre la réanimation. Mais par contre, cette semaine à Rock Classique avec le Rockmaster, je vais vous présenter un album classique, effectivement. Il s'agit de l'album de Hentoum, Wolverine Blues, et qui est paru en 1993. Un album assez emblématique de cette formation qui donne dans un death and roll. Donc, j'aurai de plus en plus, Rockmaster semble vouloir me faire confiance à faire des présentations. Il suppose que pendant cette courte période de temps, je vais être minimalement sérieux, je dirais pas trop de niaiseries. Ça, c'est encore à voir, là. Mais bref, je vais vous présenter cet album-là, Rock Classic. Rock Classic qui débute à 11h tous les vendredis jusqu'à 17h. 11h à midi, c'est les éphémérides avec Simon Fitzbé, le Rockmaster, bien entendu. Et moi, je me joins au Rockmaster entre 12h30 et 12h45 pour l'accompagner jusqu'à 17h. Donc, cette semaine, évidemment, les amateurs de rock, c'est le rendez-vous par excellence. Côté spectacle, Brave Concert présente le 26 juin prochain au Café Campus, le Conquerors of the World Festival Tour de 2014, qui met en vedette Septic Flesh, Flesh God Apocalypse, Hour of Penance et Necronomicon. C'est à 18h30 le 26 juin, au coût de 20$ et 25$ taxes incluses à la billetterie du Café Campus. Et Trois-Rivières Metal présente le 24 mai au Rock Café de Stage, Ordox, Harris et Smirking Revenge. C'est le 24 mai, comme je l'ai dit, à 20h30. Les portes ouvrent à 19h30. C'est pour tous au coût de 10$. Et le 28 juin, toujours Rock Café de Stage, c'est Havoc, Wretched, Hellborn et Satanic Glue Sniffer qui seront sur scène à compter de 20h. C'est pour tous au coût de 15$. Ceci étant dit, oh boy, il reste moins de temps qu'il restait. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter quelques pièces de l'album Doom VS, soit Heartless, qui est paru, je crois que ça fait quelques jours à peine. C'est une sortie sur Solitude Production. C'est une formation qui donne dans un dôme, un vrai dôme, beaucoup plus langoureux, là, que ce qu'on a pu entendre dans dans l'influence de Psychedelic Gardening. Un dôme beaucoup plus lourd, beaucoup moins rythmé. Avec une bonne ambiance mortuaire, par contre, je dois le dire. C'est pas un album, comme je l'ai dit tout à l'heure, à lequel j'ai accordé un pointage énorme, mais ça s'écoute bien, mais je trouve que c'est intéressant de présenter des albums qui sont autre chose à l'occasion. Oui, du doom, je le fais pas régulièrement. Donc, nous allons écouter ça ensemble la semaine prochaine. On va se laisser sur probablement une dernière pièce, j'imagine, avec le temps qui nous reste présentement. Mais c'est pas grave, ça va être une très bonne pièce. Il s'agit de Behemoth, pièce qui est tirée de l'album de 2007, soit The Apostasy. L'introduction Rome 64C, et qui va être tout de suite suivie par Slaying the Prophet of Hysa. C'est vraiment excellent. C'est Réanimation. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et bien entendu, suivez les bons conseils de votre bon docteur. Ce sont des prescriptions que je vous dis semaine après semaine depuis les 14 dernières années. Il y a sûrement une raison à ça, c'est qu'elles doivent être bonnes. Et elle est celle-ci. Allez tous vous faire foutre. Bande de cons. Go! Yeah.